Livre 11, troisième partie. Pour moi, ma sécurité, ma stupidité, fut telle que, loin de prévoir mon malheur, je n'en soupçonnais pas même la cause, après en avoir ressenti l'effet. On commença par répandre, avec assez d'adresse, qu'en sévissant contre les jésuites, on ne pouvait marquer une indulgence partiale pour les livres et les auteurs qui attaquaient la religion. On me reprochait d'avoir mis mon nom à l'Émile, comme si je ne l'avais pas mis à tous mes autres écrits, et auxquels on n'avait rien dit. Il semblait qu'on craignît de se voir forcé à quelque démarche qu'on ferait à regret, mais que les circonstances rendaient nécessaires, auxquelles mon imprudence avait donné lieu. Ces bruits me parvinrent et ne m'inquiétèrent guère. Il ne me vint pas même à l'esprit qu'il pût y avoir, dans toute cette affaire, la moindre chose qui me regardât personnellement. Moi, qui me sentais si parfaitement irréprochable, si bien appuyé, si bien en règle à tous égards, et qui ne craignait pas que Madame de Luxembourg me laissât dans l'embarras, pour un tort qui, s'il existait, était tout entier à elle seule. Mais sachant, en pareil cas, comme les choses se passent, et que l'usage est de sévir contre les libraires en ménageant les auteurs, je n'étais pas sans inquiétude pour le pauvre Duchesne, si M. de Malesherbes venait à l'abandonner. Je restai tranquille. Les bruits augmentèrent et changèrent bientôt de ton. Le public, et surtout le Parlement, semblait s'irriter par ma tranquillité. Au bout de quelques jours, la fermentation devint terrible, et les menaces, changeant d'objet, s'adressèrent directement à moi. On entendait dire, tout ouvertement aux parlementaires, qu'on n'avançait rien à brûler les livres, et qu'il fallait brûler les auteurs. Pour les libraires, on n'en parlait point. La première fois que ces propos, plus dignes d'un inquisiteur de Goa que d'un sénateur, me revinrent, je ne doutais point que ce ne fût une invention des Olbachiens pour tâcher de m'effrayer et de m'exciter à fuir. Je ris de cette puérile ruse, et je me disais, en me moquant d'eux, que s'ils avaient su la vérité des choses, ils auraient cherché quelque autre moyen de me faire peur. Mais la rumeur, enfin, devint telle qu'il fut clair que c'était tout de bon. Monsieur et Madame de Luxembourg avaient cette année avancé leur second voyage de Montmorency, de sorte qu'ils y étaient au commencement de juin. J'y entendis très peu parler de mes nouveaux livres, malgré le bruit qu'ils faisaient à Paris. Et les maîtres de la maison ne m'en parlaient point du tout. Un matin, cependant, que j'étais seul avec Monsieur de Luxembourg, il me dit « Avez-vous parlé mal de Monsieur de Choiseul dans le contrat social ?»« Moi ?» lui dis-je en reculant de surprise. « Non, je vous jure. Mais j'en ai fait en revanche, et d'une plume qui n'est point louangeuse, le plus bel éloge que jamais ministre ait reçu. » Et tout de suite, je lui rapportai le passage. « Et dans les mille ?» reprit-il. « Pas un mot, » répondis-je, « il n'y a pas un seul mot qui le regarde. »« Ah !» dit-il avec plus de vivacité qu'il n'en avait d'ordinaire. « Il fallait faire la même chose dans l'autre livre, ou être plus clair. »« J'ai cru l'être, » ajoutai-je. « Je l'estimais assez pour cela. » Il allait reprendre la parole. Je le vis prêt à s'ouvrir. Il se retint et se tut. Malheureuse politique de courtisan qui, dans les meilleurs cœurs, domine l'amitié même. Cette conversation, quoique courte, m'éclaira sur ma situation, du moins à certains égards, et me fit comprendre que c'était bien à moi qu'on en voulait. Je déplorais cette inouïe fatalité qui tournait à mon préjudice tout ce que je disais et faisais de bien. Cependant, me sentant pour plastron dans cette affaire, Madame de Luxembourg et Monsieur de Malesherbes, je ne voyais pas comment on pouvait s'y prendre pour les écarter et venir jusqu'à moi. car d'ailleurs je sentis bien dès lors qu'il ne serait plus question d'équité ni de justice, et qu'on ne s'embarrasserait pas d'examiner si j'avais réellement tort ou non. L'orage, cependant, grondait de plus en plus. Il n'y avait pas jusqu'à Neholm qui, dans la diffusion de son bavardage, ne me montra du regret de s'être mêlé de cet ouvrage, et la certitude où il paraissait être du sort qui menaçait le livre et l'auteur. Une chose pourtant me rassurait toujours. Je voyais Madame de Luxembourg si tranquille, si contente, si riante même, qu'il fallait bien qu'elle fût sûre de son fait, pour n'avoir pas la moindre inquiétude à mon sujet, pour ne pas me dire un seul mot de commisération ni d'excuse, pour voir le tour que prendrait cette affaire avec autant de sang-froid que si elle ne s'en fût pas mêlée, et qu'elle n'eût pas pris à moi le moindre intérêt. Ce qui me surprenait était qu'elle ne me disait rien du tout. Il me semblait qu'elle aurait dû me dire quelque chose. Madame de Boufflay paraissait moins tranquille. Elle allait et venait avec un air d'agitation, se donnant beaucoup de mouvements, et m'assurant que monsieur le prince de Conti s'en donnait beaucoup aussi pour parer le coup qui m'était préparé, et qu'elle attribuait toujours aux circonstances présentes, dans lesquelles il importait au Parlement de ne pas se laisser accuser par les jésuites d'indifférence sur la religion. Elle paraissait cependant peu compter sur les démarches du prince et des siennes. Ses conversations, plus alarmantes que rassurantes, tendaient toutes à m'engager à la retraite, et elle me conseillait toujours l'Angleterre, où elle m'offrait beaucoup d'amis, entre autres le célèbre Hume, qui était le sien depuis longtemps. Voyant que je persistais à rester tranquille, elle prit un tour plus capable de m'ébranler. Elle me fit entendre que si j'étais arrêtée et interrogée, je me mettais dans la nécessité de nommer Madame de Luxembourg, et que son amitié pour moi méritait bien que je ne m'exposasse pas à la compromettre. Je répondis qu'en pareil cas elle pouvait rester tranquille et que je ne la compromettrais point. Elle répliqua que cette résolution était plus facile à prendre qu'à exécuter. Et en cela, elle avait raison, surtout pour moi, bien déterminée à ne jamais me parjurer ni mentir devant les juges, quelque risque qu'il pût y avoir à dire la vérité. Voyant que cette réflexion m'avait fait quelque impression, sans cependant que je pusse me résoudre à fuir, elle me parla de la Bastille pour quelques semaines, comme d'un moyen de me soustraire à la juridiction du Parlement, qui ne se mêle pas des prisonniers d'État. Je n'objectai rien contre cette singulière grâce, pourvu qu'elle ne fût pas sollicitée en mon nom. Comme elle ne m'en parla plus, j'ai jugé dans la suite qu'elle n'avait proposé cette idée que pour me sonder et qu'on n'avait point voulu d'un expédient qui finissait tout. Peu de jours après, monsieur le maréchal reçut du curé de Deuil, ami de Grimm et de madame d'Épinay, une lettre portant l'avis qu'il disait avoir eu de bonne part, que le Parlement devait procéder contre moi avec la dernière sévérité, et que, tel jour, qu'il marqua, je serais décrété de prise de corps. Je jugeais cet avis de fabrique holbachique. Je savais que le Parlement était très attentif aux formes, et que c'était toutes les enfreindre que de commencer en cette occasion par un décret de prise de corps avant de savoir juridiquement si j'avouais le livre et si réellement j'en étais l'auteur. « Il n'y a, disais-je à Madame de Boufflay, que les crimes qui portent atteinte à la sûreté publique, dont sur le simple indice on décrète les accusés de prise de corps, de peur qu'ils n'échappent au châtiment. Mais quand on veut punir un délit tel que le mien, qui mérite des honneurs et des récompenses, on procède contre le livre, et l'on évite autant qu'on peut de s'en prendre à l'auteur. » Elle me fit à cela une distinction subtile, que j'ai oubliée, pour me prouver que c'était par faveur qu'on me décrétait de prise de corps, au lieu de m'assigner pour être oui. Le lendemain, je reçus une lettre de Guy qui me marquait que, s'étant trouvé le même jour chez monsieur le procureur général, il avait vu sur son bureau le brouillon d'un réquisitoire contre l'Émile et son auteur. Notez que le dit Guy était l'associé de Duchesne qui avait imprimé l'ouvrage, lequel, fort tranquille pour son propre compte, donnait par charité cet avis à l'auteur. On peut juger combien tout cela me parut croyable. Il était si simple, si naturel qu'un libraire, admis à l'audience de monsieur le procureur général, lut tranquillement les manuscrits, brouillons et parts sur le bureau de ce magistrat. Madame de Boufflet et d'autres me confirmèrent la même chose. Sur les absurdités dont on me rebattait incessamment les oreilles, j'étais tenté de croire que tout le monde était devenu fou. Sentant bien qu'il y avait sous tout cela quelque mystère qu'on ne voulait pas me dire, j'attendais tranquillement l'événement, me reposant sur ma droiture et mon innocence en toute cette affaire, et trop heureux, quelque persécution qui dût m'atteindre, d'être appelé à l'honneur de souffrir pour la vérité. Loin de craindre et de me tenir caché, j'allais tous les jours au château, et je faisais les après-midi ma promenade ordinaire. Le 8 juin, veille du décret, je la fis avec deux professeurs oratoriens, le professeur Alamanin et le professeur Mandard. Nous portâmes au champeau un petit goûter que nous mangeâmes de grand appétit. Nous avions oublié des verres. Nous y suppléâmes par des chalumeaux de seigle avec lesquels nous aspirions le vin dans la bouteille, nous piquant de choisir des tuyaux bien larges pour pomper à qui mieux mieux. Je n'ai de ma vie été si gai. J'ai conté comment je perdis le sommeil dans ma jeunesse. Depuis lors, j'avais bien l'habitude de lire tous les soirs dans mon lit jusqu'à ce que je sentisse mes yeux s'appesantir. Alors j'éteignais ma bougie et je tâchais de m'assoupir quelques instants qui ne duraient guère. Ma lecture ordinaire du soir était la Bible et je l'ai lue entière au moins 5 ou 6 fois de suite de cette façon. Ce soir-là, me trouvant plus éveillé qu'à l'ordinaire, je prolongeai plus longtemps ma lecture, et je lus tout entier le livre qui finit par « Le Lévite d'Éphraïm », et qui, si je ne me trompe, est le livre des juges, car je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. Cette histoire m'affecta beaucoup, et j'en étais occupé dans une espèce de rêve, quand tout à coup j'en fus tiré par du bruit et de la lumière. Thérèse, qui la portait, éclairait monsieur Laroche, qui, me voyant lever brusquement sur mon séant, me dit « Ne vous alarmez pas, c'est de la part de madame la maréchale qui vous écrit et vous envoie une lettre de monsieur le prince de Conti. » En effet, dans la lettre de madame de Luxembourg, je trouvais celle qu'un exprès de ce prince venait de lui apporter, portant avis que, malgré tous ses efforts, on était déterminé à procéder contre moi à toute rigueur. « La fermentation, lui marquait-il, est extrême, rien ne peut parer le coup. La cour l'exige, le parlement le veut. À 7 heures du matin, il sera décrété de prise de corps, et l'on enverra sur le champ le saisir. J'ai obtenu qu'on ne le poursuivra pas s'il s'éloigne, mais s'il persiste à vouloir se laisser prendre, il sera pris. » Laroche me conjura, de la part de madame la maréchale, de me lever et d'aller conférer avec elle. Il était 2 heures, elle venait de se coucher. « Elle vous attend, » ajouta-t-il, « et ne veut pas s'endormir sans vous avoir vu. » Je m'habillai à la hâte et j'y courus. Elle me parut agitée, c'était la première fois. Son trouble me toucha. Dans ce moment de surprise, au milieu de la nuit, je n'étais pas moi-même exempt d'émotion. Mais en la voyant, je m'oubliais moi-même pour ne penser qu'à elle et au triste rôle qu'elle allait jouer si je me laissais prendre. Car, me sentant assez de courage pour ne dire jamais que la vérité, dût-elle me nuire et me perdre, je ne me sentais ni assez de présence d'esprit, ni assez d'adresse, ni peut-être assez de fermeté pour éviter de la compromettre, si j'étais vivement pressée. Cela me décida à sacrifier ma gloire à sa tranquillité, à faire pour elle, en cette occasion, ce que rien ne m'eût fait faire pour moi. Dans l'instant que ma résolution fut prise, je la lui déclarai, ne voulant point gâter le prix de mon sacrifice en le lui faisant acheter. Je suis certain qu'elle ne put se tromper sur mon motif. Cependant, elle ne me dit pas un mot qui marquât qu'elle y fût sensible. Je fus choqué de cette indifférence, au point de balancer à me rétracter. Mais monsieur le maréchal survint. Madame de Boufflers arriva de Paris quelques moments après. Ils firent ce qu'aurait dû faire madame de Luxembourg. Je me laissai flatter. J'eus honte de me dédire, et il ne fut plus question que du lieu de ma retraite et du temps de mon départ. Monsieur de Luxembourg me proposa de rester chez lui quelques jours incognito, pour délibérer et prendre nos mesures plus à loisir. Je n'y consentis point, non plus qu'à la proposition d'aller secrètement au temple. Je m'obstinai à vouloir partir dès le même jour, plutôt que de rester caché où que ce pût être. Sentant que j'avais des ennemis secrets et puissants dans le royaume, je jugeai que, malgré mon attachement pour la France, j'en devais sortir pour assurer ma tranquillité. Mon premier mouvement fut de me retirer à Genève, mais un instant de réflexion suffit pour me dissuader de faire cette sottise. Je savais que le ministère de France, encore plus puissant à Genève qu'à Paris, ne me laisserait pas plus en paix dans une de ces villes que dans l'autre, s'il avait résolu de me tourmenter. Je savais que le discours sur l'inégalité avait excité contre moi, dans le Conseil, une haine d'autant plus dangereuse qu'il n'osait la manifester. Je savais qu'en dernier lieu, quand la nouvelle Héloïse parut, il s'était pressé de la défendre, à la sollicitation du docteur Tronchin. Mais voyant que personne ne l'imitait, pas même à Paris, il eut honte de cette étourderie et retira la défense. Je ne doutais pas que, trouvant ici l'occasion plus favorable, il n'eût grand soin d'en profiter. Je savais que, malgré tous les beaux semblants, il régnait contre moi, dans tous les cœurs genevois, une secrète jalousie, qui n'attendait que l'occasion de s'assouvir. Néanmoins, l'amour de la patrie me rappelait dans la mienne, et si j'avais pu me flatter d'y vivre en paix, je n'aurais pas balancé. Mais l'honneur ni la raison ne me permettant pas de m'y réfugier comme un fugitif, je pris le parti de m'en rapprocher seulement, et d'aller attendre, en Suisse, celui qu'on prendrait à Genève à mon égard. On verra bientôt que cette incertitude ne durera pas longtemps. Madame de Boufflers désapprouva beaucoup cette résolution et fit de nouveaux efforts pour m'engager à passer en Angleterre. Elle ne m'ébranla pas. Je n'ai jamais aimé l'Angleterre ni les Anglais, et toute l'éloquence de madame de Boufflers, loin de vaincre ma répugnance, semblait l'augmenter, sans que je susse pourquoi. Décidée à partir le même jour, je fus, dès le matin, partie pour tout le monde. Et La Roche, par qui j'envoyais chercher mes papiers, ne voulut pas dire à Thérèse elle-même si je l'étais ou ne l'étais pas. Depuis que j'avais résolu d'écrire un jour mes mémoires, j'avais accumulé beaucoup de lettres et autres papiers, de sorte qu'il fallut plusieurs voyages. Une partie de ces papiers, déjà triés, furent mis à part, et je m'occupai le reste de la matinée à trier les autres, afin de n'emporter que ce qui pouvait m'être utile, et brûler le reste. Monsieur de Luxembourg voulut bien m'aider à ce travail, qui se trouva si long que nous ne pûmes achever dans la matinée, et je n'eus le temps de rien brûler. Monsieur le maréchal m'offrit de se charger du reste du triage, de brûler le rebut lui-même, sans s'en rapporter à qui que ce fût, de m'envoyer tout ce qui aurait été mis à part. J'acceptai l'offre, fort aise d'être délivré de ce soin, pour pouvoir passer le peu d'heures qui me restait avec des personnes si chères que j'allais quitter pour jamais. Il prit la clé de la chambre où je laissais ses papiers, et à mon instante prière, il envoya chercher ma pauvre tante, qui se consumait dans la perplexité mortelle de ce que j'étais devenue et de ce qu'elle allait devenir, et attendant à chaque instant les huissiers, sans savoir comment se conduire et que leur répondre. La Roche l'amena au château sans lui rien dire. Elle me croyait déjà bien loin. En m'apercevant, elle perça l'air de ses cris et se précipita dans mes bras. Oh, amitié, rapport des cœurs, habitude, intimité. Dans ce doux et cruel moment se rassemblèrent tous les jours de bonheur, de tendresse et de paix passés ensemble, pour mieux me faire sentir le déchirement d'une première séparation. Après nous être à peine perdus de vue un seul jour pendant près de 17 ans. Le maréchal, témoin de cet embrassement, ne put retenir ses larmes. Il nous laissa. Thérèse ne voulait plus me quitter. Je lui fis sentir l'inconvénient qu'elle me suivit en ce moment et la nécessité qu'elle restât pour liquider mes effets et recueillir mon argent. Quand on décrète un homme de prise de corps, l'usage est de saisir ses papiers, de mettre le scellé sur ses effets ou d'en faire l'inventaire et d'y donner à un gardien. Il fallait bien qu'elle restât pour veiller à ce qui se passerait et tirer de tout le meilleur parti possible. Je lui promis qu'elle me rejoindrait dans peu. Monsieur le maréchal confirma ma promesse, mais je ne voulus jamais lui dire où j'allais, afin que, interrogée par ceux qui viendraient me saisir, elle pût protester avec vérité de son ignorance sur cet article. En l'embrassant au moment de nous quitter, je sentis en moi-même un mouvement très extraordinaire, et je lui dis, dans un transport, hélas, trop prophétique, « Mon enfant, il faut t'armer de courage. Tu as partagé la prospérité de mes beaux jours. Il te reste, puisque tu le veux, à partager mes misères. N'attends plus qu'affront et calamité à ma suite. Le sort que ce triste jour commence pour moi me poursuivra jusqu'à ma dernière heure. » Il ne me restait plus qu'à songer au départ. Les huissiers avaient dû venir à 10 heures, il en était 4 après-midi quand je partis, et ils n'étaient pas encore arrivés. Il avait été décidé que je prendrais la poste. Je n'avais point de chaise. Monsieur le maréchal me fit présent d'un cabriolet et me prêta des chevaux et un postillon jusqu'à la première poste, où, par les mesures qu'il avait prises, on ne fit aucune difficulté de me fournir des chevaux. Comme je n'avais point dîné à table et ne m'étais pas montré dans le château, les dames vinrent me dire adieu dans l'entresol, où j'avais passé la journée. Madame la maréchale m'embrassa plusieurs fois d'un air assez triste, mais je ne sentis plus dans ses embrassements les étreintes de ceux qu'elle m'avait prodigués il y avait 2 ou 3 ans. Madame de Boufflet m'embrassa aussi et me dit de fort belles choses. Un embrassement qui me surprit davantage fut celui de Madame de Mirepoix, car elle était aussi là. Madame la maréchale de Mirepoix est une personne extrêmement froide, décente et réservée, et ne me paraît pas tout à fait exempte de la hauteur naturelle à la maison de Lorraine. Elle ne m'avait jamais témoigné beaucoup d'attention. Soit que, flattée d'un honneur auquel je ne m'attendais pas, je cherchasse à m'en augmenter le prix, soit qu'en effet elle eût mis dans cet embrassement un peu de cette commisération naturelle au cœur généreux, je trouvais dans son mouvement et dans son regard je ne sais quoi d'énergique qui me pénétra. Souvent, en y repensant, j'ai soupçonné dans la suite que, n'ignorant pas à quel sort j'étais condamnée, elle n'avait pu se défendre d'un mouvement d'attendrissement sur ma destinée. Monsieur le maréchal n'ouvrait pas la bouche. Il était pâle comme un mort. Il voulut absolument m'accompagner jusqu'à ma chaise qui m'attendait à l'abreuvoir. Nous traversâmes tout le jardin sans dire un seul mot. J'avais une clé du parc dont je me servais pour ouvrir la porte. Après quoi, au lieu de remettre la clé dans ma poche, je la lui rendis sans mot dire. Il la prit avec une vivacité surprenante, à laquelle je n'ai pu m'empêcher de penser souvent depuis ce temps-là. Je n'ai guère eu dans ma vie d'instant plus amer que celui de cette séparation. L'embrassement fut long et muet. Nous sentîmes l'un et l'autre que cet embrassement était un dernier adieu. Entre la barre et Montmorency, je rencontrai dans un carrosse de remise 4 hommes en noir qui me saluèrent en me souriant. Sur ce que Thérèse m'a rapporté dans la suite de la figure des huissiers, de l'heure de leur arrivée et de la façon dont ils se comportèrent, je n'ai point douté que ce ne fussent eux. surtout ayant appris dans la suite qu'au lieu d'être décrété à 7 heures, comme on me l'avait annoncé, je ne l'avais été qu'à midi. Il fallut traverser tout Paris. On n'est pas fort caché dans un cabriolet tout ouvert. Je vis dans les rues plusieurs personnes qui me saluèrent d'un air de connaissance, mais je n'en reconnus aucune. Le même soir, je me détournai pour passer à Villeroy. À Lyon, les courriers doivent être menés au commandant. Cela pouvait être embarrassant pour un homme qui ne voulait ni mentir ni changer son nom. J'allais avec une lettre de Madame de Luxembourg prier Monsieur de Villeroy de faire en sorte que je fusse exempté de cette corvée. Monsieur de Villeroy me donna une lettre dont je ne fis point usage parce que je ne passais pas à Lyon. Cette lettre est restée encore cachetée parmi mes papiers. Monsieur le duc me pressa beaucoup de coucher à Villeroy, mais j'aimais mieux reprendre la grande route, et je fis encore 2 postes le même jour. Ma chaise était rude, et j'étais trop incommodée pour pouvoir marcher à grande journée. D'ailleurs, je n'avais pas l'air assez imposant pour me faire bien servir. Et l'on sait qu'en France, les chevaux de poste ne sentent la Gaule que sur les épaules du postillon. En payant grassement les guides, je crus suppléer à la mine et au propos. Ce fut encore pis. Ils me prirent pour un pied plat qui marchait par commission et qui courait la poste pour la première fois de sa vie. Dès lors, je n'eus plus que des rosses et je devins le jouet des postillons. Je finis, comme j'aurais dû commencer, par prendre patience, ne rien dire et aller comme il leur plut. J'avais de quoi ne pas m'ennuyer en route, en me livrant aux réflexions qui se présentaient sur tout ce qui venait de m'arriver. Mais ce n'était là ni mon tour d'esprit, ni la pente de mon cœur. Il est étonnant avec quelle facilité j'oublie le mal passé, quelque récent qu'il puisse être. Autant sa prévoyance m'effraie et me trouble tant que je la vois dans l'avenir, autant son souvenir me revient faiblement et s'éteint sans peine aussitôt qu'il est arrivé. Ma cruelle imagination, qui se tourmente sans cesse à prévenir les maux qui ne sont point encore, fait diversion à ma mémoire et m'empêche de me rappeler ce qui ne sont plus. Contre ce qui est fait, il n'y a plus de précautions à prendre, et il est inutile de s'en occuper. J'épuise, en quelque façon, mon malheur d'avance. Plus j'ai souffert à le prévoir, plus j'ai de facilité à l'oublier. Tandis qu'au contraire, sans cesse occupé de mon bonheur passé, je le rappelle et le rumine, pour ainsi dire, au point d'en jouir de rechef quand je veux. C'est à cette heureuse disposition, je le sens, que je dois de n'avoir jamais connu cette humeur rancunière qui fermente dans un cœur vindicatif par le souvenir continuel des offenses reçues, et qui le tourmente lui-même de tout le mal qu'il voudrait faire à son ennemi. Naturellement emporté, j'ai senti la colère, la fureur même dans les premiers mouvements. Mais jamais un désir de vengeance ne prit racine au-dedans de moi. Je m'occupe trop peu de l'offense pour m'occuper beaucoup de l'offenseur. Je ne pense au mal que j'en ai reçu qu'à cause de celui que j'en peux recevoir encore. Et si j'étais sûr qu'il ne m'en fit plus, celui qu'il m'a fait serait à l'instant oublié. On nous prêche beaucoup le pardon des offenses. C'est une fort belle vertu, sans doute, mais qui n'est pas à mon usage. J'ignore si mon cœur saurait dominer sa haine, car il n'en a jamais senti, et je pense trop peu à mes ennemis pour avoir le mérite de leur pardonner. Je ne dirai pas à quel point, pour me tourmenter, ils se tourmentent eux-mêmes. Je suis à leur merci, ils ont tout pouvoir, ils en usent. Il n'y a qu'une seule chose au-dessus de leur puissance et dont je les défie. C'est, en se tourmentant de moi, de me forcer à me tourmenter d'eux. Dès le lendemain de mon départ, j'oubliais si parfaitement tout ce qui venait de se passer, et le Parlement, et Madame de Pompadour, et Monsieur de Choiseul, et Grimm, et d'Alembert, et leurs complots, et leurs complices, que je n'y aurais pas même repensé de tout mon voyage, sans les précautions dont j'étais obligé d'user. Un souvenir qui me vint au lieu de tout cela fut celui de ma dernière lecture la veille de mon départ. Je me rappelais aussi les idylles de Gessner que son traducteur Hubert m'avait envoyées il y avait quelque temps. Ces deux idées me revinrent si bien et se mêlèrent de telle sorte dans mon esprit que je voulus essayer de les réunir en traitant à la manière de Gessner le sujet du Lévite d'Éphraïm. Ce style, champêtre et naïf, ne paraissait guère propre à un sujet si atroce, et il n'était guère à présumer que ma situation présente me fournît des idées bien riantes pour l'égayer. Je tentais toutefois la chose, uniquement pour m'amuser dans ma chaise, et sans aucun espoir de succès. À peine eus-je essayé, que je fus étonné de l'aménité de mes idées, et de la facilité que j'éprouvais à les rendre. Je fis en 3 jours les 3 premiers chants de ce petit poème, que j'achevai dans la suite à moitié. Et je suis sûr de n'avoir rien fait en ma vie où règne une douceur de mœurs plus attendrissante, un coloris plus frais, des peintures plus naïves, un costume plus exact, une plus antique simplicité en toutes choses. Et tout cela malgré l'horreur du sujet, qui, dans le fond, est abominable. De sorte, qu'outre tout le reste, j'eus encore le mérite de la difficulté vaincue. Le Lévite d'Éphraïm, s'il n'est pas le meilleur de mes ouvrages, en sera toujours le plus chéri. Jamais je ne l'ai relu, jamais je ne le relirai, sans sentir en dedans l'applaudissement d'un cœur sans fiel qui, loin de s'aigrir par ses malheurs, s'en console avec lui-même et trouve en soi de quoi s'en dédommager. Qu'on rassemble tous ces grands philosophes, si supérieurs dans leurs livres à l'adversité qu'ils n'éprouvèrent jamais, qu'on les mette dans une position pareille à la mienne, et que, dans la première indignation de l'honneur outragé, on leur donne un pareil ouvrage à faire. On verra comment ils s'en tireront. En partant de Montmorency pour la Suisse, j'avais pris la résolution d'aller m'arrêter à Yverdun chez mon vieux ami M. Roguin, qui s'y était retiré depuis quelques années et qui m'avait même invité à l'y aller voir. J'appris en route que Lyon faisait un détour. Cela m'évita d'y passer. Mais en revanche, il fallait passer par Besançon, place de guerre, et par conséquent sujette au même inconvénient. Je m'avisai de gauchir et de passer par Salins, sous prétexte d'aller voir M. de Méran, neveu de M. Dupin, qui avait un emploi à la Saline, et qui m'avait fait jadis force invitation de l'y aller voir. L'expédient me réussit. Je ne trouvai point M. de Méran, fort aise d'être dispensé de m'arrêter. Je continuai ma route sans que personne me dît mot. En entrant sur le territoire de Berne, je fis arrêter. Je descendis, je me prosternai, j'embrassai, je baisai la terre et m'écriai dans mon transport « Ciel ! Protecteur de la vertu, je te loue, je touche une terre de liberté. » C'est ainsi qu'aveugle et confiant dans mes espérances, je me suis toujours passionné pour ce qui devait faire mon malheur. Mon postillon surpris me crut fou, je remontai dans ma chaise, et peu d'heures après, j'eus la joie, aussi pure que vive, de me sentir pressé dans les bras du respectable Broguin. Ah! Respirons quelques instants chez ce digne hôte. J'ai besoin d'y reprendre du courage et des forces. Je trouverai bientôt à les employer. Ce n'est pas sans raison que je me suis étendue, dans le récit que je viens de faire, sur toutes les circonstances que j'ai pu me rappeler. Quoiqu'elles ne paraissent pas fort lumineuses, quand on tient une fois le fil de la trame, elles peuvent jeter du jour sur sa marche. Et par exemple, sans donner la première idée du problème que je vais proposer, elles aident beaucoup à le résoudre. Supposons que pour l'exécution du complot dont j'étais l'objet, mon éloignement fût absolument nécessaire. Tout devait, pour l'opérer, se passer à peu près comme il se passa. Mais si, sans me laisser épouvanter par l'ambassade nocturne de Madame de Luxembourg et troublée par ses alarmes, j'avais continué de tenir ferme comme j'avais commencé, et qu'au lieu de rester au château, je m'en fusse retourné dans mon lit dormir tranquillement la fraîche matinée, aurais-je également été décrété? Grande question. d'où dépend la solution de beaucoup d'autres, et pour l'examen de laquelle l'heure du décret comminatoire et celle du décret réel ne sont pas inutiles à remarquer. Exemple grossier mais sensible de l'importance des moindres détails dans l'exposé des faits dont on cherche les causes secrètes pour les découvrir par induction.